بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc on continue إن شاء الله تعالى في منظومة البيقونية أو البيقوني. قال رحمه الله تعالى: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. Donc on a dit que الصحيح il y avait cinq conditions, comme les a mentionnées ici l'auteur, et nous les avions citées une par une. Et qui peut me citer les cinq conditions de l'hadith sahih? Non, mais. Voilà. Donc, ça, c'est les cinq conditions du hadith sahih que nous avons cité la dernière fois. Nous avions expliqué ittisal sanad et adlu al-rawi, adalatu al-rawi. Donc il nous reste à expliquer dabtu al-rawi et as-salamatu min ash-shudhudh wal-illa. Donc ici, nous ne nous avions pas pris le tartib de l'auteur rahimahullah, mais nous avions d'abord parlé de ittisal sanad, puis de al-adala, puis ici nous allons parler de dabtu al-rawi. Donc al-dabtu fil lugha, c'est l'uzum al-shay wa habsuhu. L'uzum al-shay wa habsuhu. Donc al-dabt, c'est le fait de tenir une chose et de la bloquer, yani de la tenir, de la tenir. Amma istilahan, فهو على نوعين. Donc en ce qui concerne la terminologie ou la définition qu'a donné les savants du hadith pour ad-dabt, c'est il est de deux catégories. La première catégorie, c'est dabtu as-sadr. Dabt as-sadr, c'est-à-dire al-hifd. C'est-à-dire que la personne, il a une connaissance parfaite de sa tête, des versions et des asanid et des moutons du hadith qu'il rapporte. Le deuxième, c'est Dabtul Kitab. C'est-à-dire que la personne, le rapporteur, il a une excellente connaissance de ce qu'il rapporte dans son livre, où il rapporte les textes. C'est pour ça que nous avions dit précédemment que des fois un hadith peut être faible. Pourquoi? Parce que celui qui a écrit le hadith n'est pas celui qui le cite. Comme des fois, il y a des moments où certains chouyours de hadith qui ont des kutub, eh bien leurs enfants donnent un hadith de ce kitab. Il n'a pas une parfaite connaissance de ce qui est rapporté dans ce livre, alors il commet des erreurs. Donc il y a dabt as-sadr, qui est l'apprentissage de la tête, il a un hifd important, et il y a dabt al-kitab, c'est-à-dire que la personne, il a un livre où il a recueilli les ahadith de son cheikh. Il se peut qu'il y ait les deux, comme les a'immah, ils ont un kitab et ils ont un hifd aussi qui est important, et sur lequel ils s'appuient sur le fait de transmettre les hadiths. Donc ad-dabt, c'est-à-dire la bonne connaissance de ce que la personne rapporte, est une condition importante pour l'acceptation du hadith. Pour l'acceptation du hadith. Bien sûr, il faut ajouter à cela le fait que il soit mustaqim ala dinihi, comme nous avions dit, par rapport à al-adala. Donc la question qu'on peut se poser ici, c'est comment pouvons-nous savoir qu'un rapporteur a un bon dabt, c'est-à-dire qu'il a une bonne connaissance de ce qu'il rapporte. Qu'il a une bonne connaissance de ce qu'il rapporte. Eh bien, les savants de l'hadith, rahimahumullah ta'ala, ils disent que pour connaître ad-dabt d'un rapporteur, il faut prendre ses récits qu'il rapporte et les mettre aux récits et les comparer aux récits d'autres savants du hadith, qui sont des imams. C'est-à-dire que tu prends la version d'un rapporteur, X ou Y, et tu la compares aux versions qui sont rapportées par les grands imams, comme l'imam Malik, ou l'imam Ahmed, ou d'autres. Si tu le vois qu'elles sont en concordance, ceci prouve que la personne qui rapporte ici a un bon dhabt, qu'il a un bon apprentissage ou une bonne connaissance de ce qu'il rapporte, que ce soit dans l'apprentissage ou dans l'écrit. Si tu vois qu'il y a des contradictions avec ce que rapporte l'imam qui a été utilisé pour faire la comparaison, eh bien à ce moment-là, tu sais qu'il a une faiblesse dans son apprentissage et dans ce qu'il rapporte. Donc il a été dit, d'après Abdullah ibn al-Mubarak, il dit « إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض » Il a dit, si tu veux savoir si un récit est authentique, frappe l'un avec l'autre. C'est-à-dire, compare celui-ci à l'autre pour voir si ce hadith est bon ou il ne l'est pas. وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى يعرف كون الراوي ضابطا بأن تعتبر روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. Donc il dit, Ibn al-Salah, nous connaissons la personne s'il connaît parfaitement les récits qu'il rapporte, en prenant ce qu'il rapporte et en le comparant à ce que rapportent les gens qui sont sûrs, les gens qui sont connus pour une bonne connaissance des récits prophétiques et une perfection dans le rapport du texte. Donc vous comprenez un petit peu, pour connaître une personne s'il est dhabitan fima yarwi, si quelqu'un il a un bon rapport et qu'il maîtrise ce qu'il rapporte, eh bien c'est en le comparant aux imams qui rapportent eux aussi ces textes-là. Et il dit aussi l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, wa alamatul munkar fi hadith al muhaddith إذا ما عرضت روايته لحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا. Donc il dit l'imam Muslim, si tu veux connaître un hadith qui est rejeté, c'est en comparant ce hadith au hadith d'autres personnes qui sont des gens qui ont un bon apprentissage et qui sont acceptés, qui sont bons يعني, dans leur rapport du hadith. Donc c'est pour cela, mes chers frères, que Ad-Dabt, pour connaître une personne qui a un bon apprentissage et un bon Dabt, dans le fait qu'il rapporte les récits, eh bien il faut prendre ces récits et les comparer aux imams. Et par là, nous saurons si la personne il est mutqin ou s'il ne l'est pas. Donc il rapporte aussi Ibn Rajab al-Hanbali qu'il y a plusieurs sortes de rapporteurs, plusieurs sortes de rapporteurs. Il dit inna ar-rawiya ou inna ar-ruwata yanqasimun ila arba'ati aqsam. Il dit les rapporteurs se partagent en quatre catégories. Man yuttahamu bil kadhib. Ça c'est le premier. Celui qui est accusé de mensonge. الثاني من لا يتهم لكن يغلب على حديثه الوهم والغلط. Il dit le deuxième, c'est un rapporteur qui n'est pas accusé de mensonge, mais que son récit englobe souvent des oublis ou des erreurs. Troisième catégorie, من هو صادق ويكثر في حديثه الوهم ولا يغلب عليه. Donc il dit quelqu'un qui est véridique, où il y a des erreurs et des oublis dans son récit, dans ses récits, mais ce n'est pas la majorité de son récit. Mais il a beaucoup d'oublis. La quatrième catégorie, c'est Al-Huffad. Al-Ladhina yunzar Al-Khata wal-Wahmu fi hadithihim aw yuqal. Ils disent, c'est ceux qui sont les imams qui connaissent les versions, qui sont des gens où il y a très peu d'erreurs ou d'oubli dans leur récit. Donc il faut savoir, mes très chers frères, que les rapporteurs en réalité sont de trois catégories. La première catégorie, man ittafaqa al-ulama ala tawthiqihi. Ceux dont les savants sont d'accord pour dire qu'il est bon et qu'il est acceptable et que tu peux prendre son récit. Le deuxième, c'est man ittafaqa al-ulama ala tarkihi. C'est ceux dont les savants sont tous d'accord pour le rejeter. Et ceux-ci aussi sont clairs, comme le premier cas. La première catégorie, c'est clair. Lui, il est fiqah, lui, il est matrouk ou da'if, ou c'est un kadhab, etc. Il est rejeté. Ittafaqa al-ulama ala tarkihi. La troisième catégorie, c'est les savants où ils ont divergé sur la personne. بين كونه يقبل أو يرد. Et c'est pour ça que vous trouvez, par exemple, dans certains kutub de Jarh wa Ta'dil, notamment d'Ibn Hibban, rahimahullah, que des fois il se peut qu'il met certains dans son kitab al-thiqat et il les met aussi dans al-majruhin. C'est-à-dire qu'il a un livre où il parle des gens qui sont bons, acceptables, et il a un livre où il parle de ceux qui sont pas bons. Et des fois, tu trouves la même personne dans les deux. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve dans cette troisième catégorie. Qu'il se peut que dans certains hadiths, ils sont bons et dans d'autres rejetés, mais al-ghalibu fihim annahum, la majorité de ce qu'il rapporte est des choses où il y a des erreurs. Donc ici, il y a une question qui se pose et qui est en relation une avec Al-Adala, ce que nous avons parlé la dernière fois, et une qui est en relation avec Al-Dabt. La première qui est en relation avec Al-Adala, c'est la position des gens du Hadith par rapport au récit des innovateurs. Par rapport au récit des innovateurs. Riwayatul Mubtadi'. Et comme nous l'avons précisé précédemment dans Al-Aqida, Al-Mubtadi' yanqasim ila qismayn. Al-Qism al-Awwal Mubtadi'un bid'atan mukaffira. C'est-à-dire celui qui a fait une innovation qui le rend mécréant. Wa Mubtadi'un bid'atan ghayr mukaffira. Et celui qui a fait une innovation qui ne le rend pas mécréant. Donc nous allons parler en premier temps à celui qui a fait une innovation qui le rend mécréant. Man waqa'a fi bid'atin mukaffira. Faqad ikhtalafa al-ulama fi riwayatihi. Donc les savants ont divergé sur son récit. Certains disent que son récit est accepté. Certains disent que leur récit est accepté. Et c'est notamment Al-Mutakallimin. Le deuxième avis, c'est que leur avis est accepté s'ils sont des gens qui ne mentent pas. S'ils sont des gens qui ne mentent pas. Et ça, c'est les gens de l'Usul. Usul Fiqh. Qui donnent cet avis. Le troisième avis, c'est que leur récit n'est pas accepté. C'est que leur avis n'est pas accepté. Et l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala, il dit que il y a le consensus là-dessus. Naqala الاتفاق على عدم قبول رواية المبتدع. دوك الجي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والتحقيق أنه لا يرد أو لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تقول أن مخالفيها مبتدع وقد تبالغ في تكفير مخالفيها. دوك الجي الحافظ ابن حجر الجي كو سكي لو بلوز اوتنتيك، c'est que toute personne qui a fait une innovation mécréante, on va dire, on ne rejette pas son texte. Pourquoi ? Parce qu'il dit que tous les groupes considèrent l'autre comme étant un innovateur, et ils considèrent aussi qu'il est mécréant. Qu'il est mécréant. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas rejeter les versions de tout cela que tu penses qu'ils sont tombés dans une innovation mukaffira. Après, toute personne dont il est sûr de sa mécréance, thabata kufruhu fahada la tuqbal minhu. Donc il faut différencier entre les deux. Donc une personne qui est, on est sûr de sa mécréance, celui-là on n'accepte pas de lui, les savants n'acceptent pas de lui riwayat al-hadith. Contrairement au Mubtadi. Donc vous remarquerez qu'il y a beaucoup de Qadari, par exemple, des gens qui remettent en cause le destin, qui sont des rapporteurs de hadith, et que les savants ont rapporté leur hadith. Alors que Al-Qadar, c'est du kufr, c'est une innovation qui est kufriya. Vous comprenez ? Mais il faut avoir un tafsil dans cela. Mais man thabata kufruhu, celui dont nous sommes sûrs de sa mécréance, eh bien, celui-là, sa version n'est pas acceptée. Quant à l'innovateur qui n'est pas tombé dans une innovation qui le fait sortir de l'islam, eh bien, il y a eu une divergence aussi par rapport à cela chez les savants. Donc certains considèrent que sa version, son récit n'est pas accepté. Mutlaqan. Et c'est notamment l'avis de l'imam Malik et de l'Humaydi rahimahumullah. Donc eux, ils disent que la version de l'innovateur, elle n'est pas acceptée. Donc le deuxième avis, c'est que nous acceptons leur version à condition qu'ils ne rendent pas licite le mensonge pour soutenir leur innovation. Et ça, c'est notamment l'avis de l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala et de Sufyan al-Thawri. Donc si la personne, par exemple, c'est un rapporteur de hadith et c'est un innovateur, eh bien, on prend son hadith pour eux, pour Shafi'i et Sufyan al-Thawri, si il ne rend pas licite le mensonge pour inventer des textes qui vont soutenir son innovation. Vous comprenez ? Troisième avis, c'est que leur récit est accepté s'il remet en cause leur innovation. Et c'est notamment l'avis de Sakhawi, rahimahullah ta'ala. Quatrième avis, l'avis de Ibn Hajar rahimahullah, c'est qu'elle est acceptée leur version si c'est une petite innovation, pas une grosse innovation. Comme par exemple At-Tashayyu', qui est une petite innovation, qui est pas quelque chose dont les savants rejettent des versions. Et juste on expliquera inshallah. Cinquième avis des savants, qu'elle est acceptée leur version C'est-à-dire leur récit est accepté s'ils ne sont pas des du'at ila bid'atihim. Si ce ne sont pas des gens qui appellent à leur innovation. Et Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, il a cité que c'était l'avis de la majorité des savants du hadith. Donc je répète en gros les avis des savants par rapport à l'innovateur qui n'est pas, qui n'a pas fait une innovation, qu'il sort de l'islam. La première, c'est qu'il rejette son récit de façon absolue. C'est notamment l'avis de l'imam Malik et de Al-Humaydi. Le deuxième, c'est qu'ils acceptent sa version s'il n'est pas connu pour rendre licite le mensonge, pour soutenir son innovation. C'est l'avis de Al-Shafi'i wa Thawri rahimahumullah. Troisième avis, c'est qu'elle est acceptée si ce qu'il rapporte est contraire à son innovation. Et c'est l'avis de l'imam Sakhawi rahimahullah. Quatrième avis, c'est que sa version est acceptée s'il c'est dans une petite innovation, pas une grosse. C'est l'avis de Ibn Hajar. Dernier avis, c'est l'avis de la majorité, comme l'a dit le Khatib al-Baghdadi rahimahullah, c'est que sa version est acceptée si son récit est accepté, s'il n'appelle pas à son innovation. Si ce n'est pas un da'i, il a bid'ati. Et ce qui est le plus authentique et le plus connu chez les ulama salaf, rahimahumullah, c'est que la version du mubtadi' est acceptée à partir du moment que c'est une personne qui est véridique. Et c'est pour ça qu'ils disent « Lana sidquhu wa lahu bid'atuh ». Nous avons sa véracité et il a son innovation. Et il dit notamment l'imam Ali ibn al-Madini, qui est un grand imam de l'hadith, « لو تركت أهل البصرة لحال القدر ولو تركت الكوفة لذلك الرأي خابت الكتب خابت الكتب. » Il dit, si nous aurions délaissé les gens de l'Basra parce qu'ils sont des gens qui remettent en cause le destin, ou les gens de l'Koufa parce que ce sont des gens qui sont dans la vie, dans l'interprétation, eh bien les livres seraient vides. Les vides seraient vides de hadith. Malgré que c'est des gens de l'innovation. Mais ils ont pris deux. Il dit aussi l'imam al-Mu'allimi rahimahullah ta'ala, qui est contemporain. Il dit وَقَدْ وَثَّقَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ. Il dit وَقَدْ وَثَّقَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ جَمَاعَةً مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ وَاحْتَجُّوا بِأَحَادِيثِهِمْ وَأَخْرَجُوهَا فِي الصِّحَاحِ وَمَنْ تَتَبَّعَ رِوَايَاتِهِمْ وَجَدَ فِيهَا كَثِيرًا مِمَّا يُوَافِقُ ظَاهِرُهُ بِدَعِيهِمْ. عجيب ce qu'il dit l'imam Mu'ammilimi. En fait, il répond à tous les avis pratiquement. Il dit, ont rendu véridique les gens du hadith, les imams du hadith, beaucoup d'innovateurs, c'est-à-dire qu'ils ont accepté leur récit. وَحْتَجُّوا بِأَحَادِيثِهِمْ. Ils ont pris leur texte et ils les ont pris comme preuve. وَخَرَّجُوهَا فِي الصِّحَاحِ. Et ils les ont cité ces mêmes hadiths dans leur authentique. Et celui qui suit leur récit, il trouvera que beaucoup d'entre eux, yani des innovateurs, lorsqu'ils rapportent un récit, que son récit est en concordance avec son innovation. Mais pourtant, ça n'a pas empêché les imams du hadith de rapporter ces textes-là, car c'était des gens qui étaient véridiques. Donc l'avis le plus authentique dans la façon de se comporter par rapport à un innovateur lorsqu'il rapporte un texte, bien sûr, ceci est fini. Nous parlons du texte prophétique, et bien, c'est que s'il est véridique, et bien, nous prononçons son texte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un égarement de la part de certains qui confondent en ce qui est jarh wa ta'dil, al-jarh wa ta'dil, et tout ce qui est redoute, ce qui est mise en garde ou réponse. Car As-Salaf rahimahumullah ta'ala et A'immatul Hadith كانوا يقومون بما يسمى بالجرح والتعديل. C'est-à-dire l'éloge et la critique. Et l'éloge et la critique est en relation avec l'acceptation du récit de la personne ou non. Pas en relation avec son innovation. Il peut être un innovateur et son texte peut être accepté. Contrairement à tout ce qui est mise en garde et redoute, dont la personne, nous acceptons pas d'elle, car c'est une personne qui est innovatrice. Pas dans le rapport du récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans ce qu'elle dit, dans la compréhension du texte prophétique. Donc il y a une différence entre la compréhension du texte et la personne qui rapporte un texte prophétique. Donc, al-jarh wa al-ta'dil, il est en rapport avec la véracité ou non, ou l'acceptation ou non de la personne qui rapporte un texte, fut-elle innovatrice ou non, mais al-rad wa al-tahdir et la mise en garde, il est en relation avec la compréhension de la personne du texte, qui est une compréhension qui est erronée. Et à ce moment-là, on fait un rad où nous mettons en garde contre lui car il a déformé le sens du texte. Et nous ne pouvons pas dire que le deuxième est du jarh wa al-ta'dil. Car dans ce cas-là, nous pourrions accepter ce qu'il dit, vous comprenez ? Alors que nous ne devons pas l'accepter. Car le jarh wa al-ta'dil n'est pas lié à l'innovation de la personne. Même si dans les livres de jarh wa al-ta'dil, vous trouverez les savants, les a'immas parler de la personne et de son innovation. Par exemple, ils diront un tel est Jahmi, un tel est Murji, un tel est ceci et cela. Mais il se peut qu'ils acceptent son récit qu'ils rapportent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire dans la chaîne de transmission, je veux dire. Parce qu'il n'y a pas d'innovateur qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les compagnons. Vous comprenez ? Donc nous donnons un exemple, par exemple. Un exemple sur une personne qui rapportait في الصحيحين donc البخاري مسلم أئمة الحديث les grands imams du hadith Bukhari مسلم rapporte d'un homme qui s'appelle Iban ibn Taghlib qui est من غلات التشيع c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans le تشيع et celui-là البخاري مسلم qui est un innovateur rapporte ses récits. Il dit anhu al-Sa'di rahimahullah Iban za'ir madhmoum al-madhhab mujahir. Donc ici il donne trois qualificatifs. Il dit que c'est un za'ir, c'est un égaré, que son madhhab est mauvais, yani son école on va dire de pensée, yani sa croyance. Mujahir, c'est-à-dire qu'il le montre. Ça n'a pas empêché le Bukhari Muslim de rapporter le récit qu'il rapporte. Il y a aussi, dans Sahih Muslim, Adi ibn Thabit, qui est un chi'i. Donc, tashayyu', certains ne font pas la différence entre tashayyu' et tashayyu' bima'na al-salaf et tashayyu' bima'na al-shi'a. Donc, tashayyu' c'est pas du kufr, mais tashayyu' bima'fhumina al-an, c'est du kufr, c'est un kafir. Shi'a al-rawafid, c'est des kuffar. Mais tashayyu' dans le sens avant, c'était le fait de précéder, de considérer Ali comme étant meilleur que Uthman. Donc il disait que cette personne, il est dans le tashayyu' et d'avoir un certain relou là-dedans. Donc Adi ibn Thabit, qui est un shi'i lui par contre, Muslim lui a rapporté un récit dans Sahih Muslim. Et ici, pourquoi je vous ramène ce texte-là ? Pour vous montrer que le texte peut être en concordance avec la croyance de celui qu'il rapporte. Malgré tout, l'imam du hadith ne va pas rejeter ce texte. Il va le prendre. Alors que lui, c'est un shi'i. Et qu'il appelle à son innovation, malgré tout, l'imam muslim l'a rapporté dans le sahih. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre ce qui est jarh wa al-ta'dil et ce qu'on a dit, al-rudud wa al-tahdir. Les gens ne font pas la différence, les fatigués de la tête. Donc il dit, d'après comme il est rapporté chez Muslim, إِنَّهُ الْعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٍ وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit à Ali radiallahu ta'ala an, c'est le pacte que j'ai reçu, ou qu'a reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'illettré, que ne t'aimera qu'un croyant, ne te détestera qu'un hypocrite. Donc ce texte-là, il est dans le mérite de Ali. Celui qui le rapporte est un chiri, qui appelle à son innovation. Mais l'imam muslim, rahimahullah, cela ne l'a pas empêché de citer ce hadith dans son authentique, dans Sahih Muslim. Donc pour vous dire que l'innovation de la personne chez Salaf rahimahumullah, à partir du moment qu'il est véridique, que c'est quelqu'un de sûr, eh bien, elle n'impacte pas le texte quand il est rapporté. S'il est connu pour être véridique et pour ne pas être un menteur, eh bien, et qu'il est innovateur, à ce moment-là, son récit est accepté. Son récit est accepté. Donc, aussi, le deuxième sujet dont nous devons parler, c'était la question posée par rapport au dhabt. Donc, on avait dit qu'on avait deux sujets, une par rapport à l'adala et une par rapport au dhabt. Et ad-dhabt, est-ce que quelqu'un, il est dhabt, c'est-à-dire, dhabt dans le sens, il a une bonne connaissance des récits qu'il rapporte, si les versions sont rapportées de gens faibles. Donc vous remarquerez que certains textes sont rapportés de gens qui sont faibles dans leur dhabt. Et ceci ne veut pas dire dans tous les cas que ce texte-là doit être rejeté. Cela ne veut pas dire dans tous les cas que ce texte est rejeté. Donc il dit toujours, Abdurrahman al-Mu'allimi rahimahullah ta'ala, qui est un contemporain comme j'ai dit, il dit que Al-Shaykhan, c'est-à-dire le Bukhari muslim, il rapporte des textes, des récits dans leurs authentiques, dans différents endroits qui sont connus par rapport aux personnes. Et ceux-ci sont de plusieurs catégories. Par rapport à la compréhension, ou plutôt par rapport à l'effort de Al-Bukhari Muslim. Donc l'effort de Al-Bukhari Muslim dans le fait de rapporter certains récits par rapport à certaines personnes, il dit... Certains efforts de Al-Bukhari Muslim ont mené au fait qu'ils ont rapporté de certains faibles, yani dans le dhabt, mais que cette faiblesse n'a impacté en rien le récit, ça c'est le premier, ou bien que cette personne... C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser pour rapporter un récit authentique, mais il le rapportait pourquoi ? Parce que yasluhu ma'a ghayrihi. C'est-à-dire qu'il est un peu faible, mais vu qu'il est bon avec s'il y a quelqu'un d'autre, ceci le renforce. Vous comprenez ? Ou bien, il voyait que cette faiblesse qui est dans cette personne était particulière à un cheikh en particulier. Et que dans les autres chouyours dont il rapporte, eh bien cette faiblesse ne vaut rien. Vous comprenez ? Donc soit cette faiblesse n'impacte pas le texte, ou soit cette faiblesse fait qu'elle impacte le texte, mais le fait qu'il y ait un autre qui rapporte ce texte-là le renforce, ou soit... il est faible dans une personne en particulier. Il est faible dans une personne en particulier. Donc, par exemple, nous donnons un exemple de Jarir ibn Hazim. Jarir ibn Hazim. Da'afahu al-ulama fi Qatada. Les savants l'ont rendu faible dans Qatada. Mais s'il rapporte d'autres, eh bien, il l'accepte. Pourquoi ? Parce que il est khtalata, c'est-à-dire qu'il a, dans sa tête, il n'était plus bien quand il a vieilli, et il mélangeait, en fait. Kana yukhlit, il mélangeait. Et il a pris de Qatada à la fin. Donc c'est pour ça que les savants le considèrent faible dans Qatada, mais pas dans ce qu'il a pris avant. Vous comprenez ? Donc c'est pour ça que il se peut qu'une personne soit faible uniquement dans une personne et qu'il soit authentique dans le reste de Shishour. Par exemple, j'ai trois shirks où j'ai pris d'un tel et d'un tel et d'un tel des hadiths. Il se peut que dans l'un d'entre eux, je sois faible. Mais dans les autres, je sois thiqa. Comment je vais savoir ? C'est une bonne question ça. Comment je vais savoir que dans celui-là, je suis faible, mais dans les autres, je suis bon. Comment je vais savoir ? Eh bien, c'est en prenant les élèves de ce shir et en comparant la version de celui-là aux autres élèves du shir. Lorsqu'il y a la comparaison, eh bien, nous voyons qu'il y a une différence. À ce moment-là, nous savons qu'il est faible dans celui-là. Mais quand nous allons prendre les autres textes de l'autre shir et les autres élèves de l'autre shir, et nous allons comparer ces versions aux autres élèves du shir, nous voyons qu'elles sont concordantes. À ce moment-là, on sait qu'il est thiqa dans celui-là et qu'il est faible dans celui-là. Vous comprenez ? Donc, oui, bien sûr. C'est une qarina, tu vois. Qui fait que, à ce moment-là, tu sais que lui, il est accepté là et il ne l'est pas là-bas. Donc la condition suivante qui est en relation avec le hadith authentique, c'est As-salamatu min ash-shuzuz. C'est-à-dire qu'il est préservé de toute erreur. Et le fait que les savants ont cité ash-shuzuz, qui est une illa à part, parce que ash-shadh ou ash-shuzuz, c'est une illa, c'est un défaut. C'est un défaut. Mais le fait qu'il le nomme tout seul montre son importance et sa difficulté à déceler. La difficulté à la déceler. C'est pour ça que c'est les grands imams qui connaissent, qui réunissent toutes les versions, etc. et qui ont une bonne connaissance de la science du hadith qui vont déceler tout ce qui est chaz. Tout ce qui est chaz dans les versions. Donc, ash-shadh fi al-lugha huwa al-infirad. C'est d'être le fait d'être seul. Et aussi, c'est le fait de être contraire à la vérité. Fa kullu man khalafa al-haqqa fa huwa shadh. سواء كان جماعة أو كان فردا واحدا. Donc toute personne qui contredit la vérité est chaz et marginal, que ce soit une personne ou que ce soit un groupe. En ce qui concerne la définition dans la science, d'après les gens de science, eh bien, nous allons citer les paroles des savants. Donc l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, il dit: Laysa ash-shadh min al-hadith an yarwi ath-thiqatu ma la yarwihi ghayruhu. Hadha laysa bishadh, innama an yarwi ath-thiqa ma yukhalifu fihi an-nas. Donc ici il dit, l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, il dit le hadith shadh, on va l'appeler le hadith marginal, n'est pas le hadith qui est rapporté par quelqu'un d'authentique et qui n'est pas rapporté par les autres. C'est-à-dire un hadith qu'il est le seul à rapporter. Mais c'est le hadith qui est rapporté par quelqu'un de sûr, qui contredit les gens, c'est-à-dire qui contredit les autres. Il dit un autre, pour définir Ash-Shadh, Al-Hafidh Al-Khalili, rahimahullah, il dit Ash-Shadh 'inda Huffadh al-Hadith ma laysa lahu isnad wahid yashudh bidhalika al-Shaykh al-Thiqa kana aw ghayr thiqa فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. Donc il dit Ash-Shadh, c'est celui qui n'a pas un seul isnad, mais c'est celui qui est marginal, que ce soit quelqu'un de bon qui le rapporte ou non. Et lorsqu'il n'est pas bon, il est faible, eh bien c'est un matrouk, c'est un hadith que nous délaissons, qui n'est pas accepté. Et lorsqu'il est rapporté de quelqu'un de sûr, de bon, eh bien, soit nous nous arrêtons dessus, il dit, et nous ne l'utilisons pas comme preuve. Et il dit, le Hakim, rahimahullah ta'ala, Ash-Shadh, fa'innahu hadith, yatafarradu bihi thiqa min al-thiqat, wa laysa lil hadith bimutabi' lidhalika thiqa. Donc il dit, le Hakim rahimahullah, le hadith marginal, c'est le hadith qui est rapporté par quelqu'un de sûr, mais qui est le seul à l'avoir rapporté, et que personne ne l'a rapporté, à part lui, parmi les gens sûrs. Donc nous comprenons des définitions que nous avons citées ici, des savants, que al-hadith, al-shadh, il a deux caractéristiques. Il a deux caractéristiques. La première, c'est qu'il est gharib, qu'il est étrange, dans le sens où il est contraire à ce qui est plus sûr. La deuxième caractéristique, c'est que c'est un hadith qui est rapporté généralement par quelqu'un seul. Il n'y a que lui qui a rapporté cela. Et nous prenons l'exemple, par exemple, d'un hadith shadh ou d'une ziyada shadha comme al-tahrik fi al-tashahud. Le fait de bouger le doigt dans le tashahud, c'est quelque chose qui est shadh, qui n'est pas authentique. Car la personne qui le rapporte est le seul à l'avoir rapporté. Et donc ça y a le tafarrud. Et ce qu'il rapporte, c'est étrange car il contredit 12 autres personnes. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que dans le tashahud, tu ne bouges pas normalement. Et les hadiths qui sont rapportés authentiques dans Sahih Muslim, c'est Yushir. La Yuharrik. Il n'y a pas à citer qu'il bouge. Donc ça, c'est un shadh. Pourquoi? Parce qu'il a contredit 12 personnes. 12 imams. Et il a rapporté quelque chose qui est... Il n'y a que lui qui le rapporte. Tafarrada bihadihi ziyada. Donc vous comprenez, il a été le seul à rapporter cette chose, ce rajout-là, qui n'est pas rapporté par les autres. Donc le shadh, le hadith marginal, ce n'est pas le ma'loul, le hadith où il y a le ma'loul, où il y a un défaut, mais comme j'ai dit au début, il y a quelque chose dans le shadh qui est plus précis. C'est pour ça que ils l'ont cité dans l'authenticité du hadith authentique, dans les conditions, pardon, du hadith authentique, parce que c'est une illa, mais c'est une illa qui est profonde. C'est pour ça que j'ai dit que les savants, les grands, c'est eux qui découvraient ces illal, ces shadh. Donc il y a certains savants qui sont à notre époque, qui le citent comme étant... Ash-Shadh, le hadith marginal, comme étant le fait de contredire quelqu'un qui est plus authentique que toi. Yani, Ash-Shadh, c'est mukhalafatu man huwa awthaqu mink. C'est le fait de contredire celui qui est plus authentique que toi. Mais il y a une diminution dans cette définition, car Ash-Shadh, 'inda as-salaf, il implique aussi le faible. Al-da'if alladhi khalafa man huwa Minathiqat. Si un faible a contredit quelqu'un qui est sûr, eh bien, c'est un chaz aussi. Et les savants, ils le citent comme étant al-munkar aussi. Mais salaf rahimahumullah ta'ala, كانوا يطلقون الشاذ والمنكر على ما وقعت فيه هذه العلل. Donc salaf rahimahumullah, il disait شاذ ou il disait munkar pour un hadith comme nous, ce que nous avons cité, un hadith qui est marginal. C'est-à-dire où il y a al-gharaba, qui est le fait qu'il contredit beaucoup de gens, et al-tafarrud, c'est-à-dire le fait que lui-même, il est le seul à rapporter cela. Vous comprenez? Donc, les deux peuvent être appelés de la même manière. Donc, il faut savoir que al-shudhud yaqa'u fil matn wal isnad. Al-shudhud yaqa'u fil matn wal isnad. C'est-à-dire que la marginalité peut se trouver dans la chaîne de transmission comme elle peut se trouver dans le matn. Donc nous avions dit ça déjà précédemment, que Ash-Shudhudh, il pouvait aussi bien se trouver dans la chaîne de transmission, comme il se peut qu'il se trouve dans le texte rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme par exemple, il y a le shudhud de l'imam Malik rahimahullah ta'ala dans le isnad où il dit haddathana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an ibn Shihab an Ubad ibn Ziyad wa huwa min walad al-Mughira ibn Shu'bah an al-Mughira. Donc il a cité ceci dans le Muwatta de l'imam Malik. Les autres versions ne rapporte pas le texte de cette manière. Le isnad, pardon. Il ne rapporte pas la chaîne de transmission de cette manière. Donc l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il l'a rapporté. Il dit, « An Jurayj, an ibn Shihab, an Ubad, an Urwa ibn al-Mughira, an Abi. » Donc vous remarquez que il dit que l'imam Malik, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ubad, c'est lui le fils de Mughira. Alors que l'imam Ahmed, il dit que Ubad a rapporté de qui? De du fils d'Ibn Mughira, qui est Urwa. Vous comprenez? Donc, wahim al-imam Malik. L'imam Malik, shadha. Il a été marginal dans le rapport de ce isnad. Donc, c'est pour ça qu'il dit. Donc il dit ensuite قال مصعب وهو ابن عبد الله الدبيري أخطأ مالك فيه خطأ قبيحا. Donc l'imam Malik s'est trompé dans ce isnad. Donc الشاذ il est dans l'isnad. Comme il peut être aussi dans المتن. Il peut être aussi dans le matn. Donc il est rapporté de زائده عن عبد العزيز ابن أبي داود عن نافع عن ابن عمر قال كان الناس يخرجون الصدقة أو كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من شعر أو تمر أو سلت أو زبيب فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. Donc c'est-à-dire il rapporte ce hadith en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sortait un sa de telle et telle chose. Il a cité plusieurs choses et lorsque Omar est venu, il a changé. Omar radiyallahu ta'ala an. Et ceci est rapporté d'après Zaïda an Abd al-Aziz ibn Abi Daoud an Nafi' an ibn Omar. Dans l'autre version, il dit Haddathana Malik an Nafi' an Ibn Umar an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam farada zakat al-fitr min Ramadan ala an-nas sa'an min tamr aw sa'an min sha'ir. Sans citer ce qui est en rapport avec Umar. Donc qu'est-ce qui se passe? Shadha Abdul Aziz ibn Abi Daoud. Pourquoi? Parce que l'imam Malik il rapporte de Nafi'. Et Abdul Aziz ibn Abi Daoud, il rapporte de qui? De Nafi. Les deux rapportent de la même personne. Et l'imam Malik dans Nafi, c'est le top. Et Abdul Aziz ibn Abi Daoud, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait les savants? Ils ont pris sa version, ils l'ont mis à la version de Malik. Ils ont vu qu'elle est contraire donc. Shadda Abdul Aziz ibn Abi Daoud. Donc c'est pour ça, mes très chers frères, que c'est comme ça qu'on connaît Ash-Shudhudh, en comparant les riwayat les unes aux autres et les asanides les uns aux autres. Que ce soit, il se peut que ce soit un imam, qu'on compare la version d'une personne à un imam, un grand imam, ou à un groupe aussi. Des fois c'est des groupes comme dans le hadith de At-Tashahud. Le fait de bouger le doigt, c'est un groupe qui dit le contraire d'une personne. Ou ça peut être un imam, n'importe lequel. Donc il dit, Abdul Aziz ibn Abi Daoud, Sadouq, Abid, Rubbama Wahima, Warumiya bil Irja. Donc il dit que Abdul Aziz ibn Abi Daoud, c'est quelqu'un de véridique, qui est un adorateur, et des fois il fait des erreurs, il Wahim. Et c'était quelqu'un qui était un murji. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le fuqaha rahimahumullah ta'ala, ils n'ont pas la même position, nous l'avions dit déjà au départ, que les gens du hadith sur plusieurs points du hadith, mais notamment sur shadh. Ils n'ont pas la même position sur ash-shadh. Donc pour eux, ash-shadh lahu qismayn. Lahu qismayn. Donc ils disent donc le qism al-awwal mukhalafat ar-rawi liman huwa awla minhu. C'est-à-dire qu'ils contredisent un rapporteur qui est avant lui, qui est en premier lieu, qui doit être lui considéré avant les autres. J'ai dit une erreur là. En fait, al-fuqaha, ils contredisent les gens du hadith sur shadh en général. Mais donc nous revenons à shadh lui-même, qui est où il y a deux caractéristiques, deux qism. Donc soit c'est comme nous avons dit mukhalafatu ar-rawi liman huwa awla minhu. Et la deuxième chose, huwa an yatafarrad ar-rawi al-thiqa. La deuxième chose, c'est que celui qui est sûr, quelqu'un qui est sûr, il rapporte un texte tout seul. Et à chaque fois qu'il s'éloigne dans l'isnad, kullama kana al-isnad nazil kana ihtimal ad-da'fi akthar. Plus il s'éloigne du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son rapportage de hadith, plus son texte risque d'être faible, plus son texte risque d'être faible. Donc ça, c'est les deux choses qui sont dans le hadith al-shad. Mukhalafatul rawi liman huwa awla minhu, thumma an yatafarrad al-rawi al-thiqa. Et plus il s'éloigne du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la chaîne de transmission, plus la faiblesse est plus dans ces textes-là. Donc ça, en gros, c'est ce qui est en rapport avec Shad. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.